Chapitre 4e sur les ailes du vent. Enfin, elle parvint à cette maison qui était un antre redoutable ainsi qu'il s'y était à une demeure habitée par le vent. Aussitôt, Herda demanda à ce dernier s'il pouvait lui enseigner le chemin qui devait l'amener vers le prince et qui se trouve à l'est du soleil et à l'ouest de la lune. « Oui, » dit le vent d'est, tout en soufflant d'une façon si épouvantable qu'Herda en demeura toute secouée. « J'ai souvent entendu parler de ce prince et du château dans lequel il réside. Toutefois, je ne pourrais pas vous indiquer le chemin qui conduit à ce château, car il ne m'est jamais arrivé de souffler à une telle distance. Tout ce que je puis faire est, si vous le désirez, de vous conduire chez mon frère le vent d'ouest. Peut-être sera-t-il à même de connaître la route dont vous parlez. Mon frère est beaucoup plus fort que moi, et je ne puis que vous conseiller de vous adresser à lui. » Donc, envoyez le cheval qui vous a conduite jusqu'à ma demeure, placez-vous sur mon dos, je vais vous transporter jusqu'à la maison de mon frère, le vent d'ouest. Herda suivit docilement le conseil que lui donnait le vent d'est. Elle renvoya le troisième cheval en le frappant sous l'oreille gauche d'un petit coup de baguette de caudrier. Puis, toujours munie des présents que lui avaient faits les sorcières, elle s'installa du mieux qu'il lui fut possible sur le dos du vent d'est. Encore que celui-ci cherchât à ménager Herda, s'il peut préparer à de tels voyages, je vous laisse à penser s'il partir à une vitesse prodigieuse. À peine furent-ils parvenus à la maison du vent d'ouest que le vent d'est alla au-devant de son frère. Sans reprendre haleine, il lui expliqua aussitôt que la jeune fille qui l'amenait était celle qui devait épouser le prince qui vit dans le château situé à l'est du soleil et à l'ouest de la lune. « Cette jeune fille voudrait rejoindre son fiancé, » dit ce vent plus prompt que l'aquilon. « Et je l'ai transporté ici afin que mon frère, le vent d'ouest, veuille bien lui enseigner le chemin qui conduit à ce château enchanté. »« Impossible, » dit le vent d'ouest, « je n'ai jamais soufflé si loin de ma vie. Mais si vous le voulez, je puis vous conduire à notre frère, le vent du sud. Il est bien plus vigoureux que nous, et ses ailes puissantes ont frappé l'air de contrées plus lointaines que celles qui sont dans notre empire. Peut-être notre frère pourra-t-il vous renseigner mieux que nous ne l'avons fait. Montez sur mon dos. » et je vais vous transporter jusqu'à sa demeure. » Herda accepta, et bien que le vent d'ouest souffla d'une manière bien plus effrayante encore que le vent d'est, elle trouva assez de force dans son amour pour résister au froid et à la tempête d'un pareil voyage. Combien de temps Herda et son compagnon restèrent-ils en route, et quel est le nombre de pays qu'ils traversèrent en se tenant suspendus à une hauteur inouïe? C'est ce qu'il n'est pas possible de penser. Ils arrivèrent enfin jusqu'à un antre sonore où le vent d'ouest s'engouffra avec un fracas qui fit paraître le vent du sud. Celui-ci était encore bien plus hérissé et déchevelé que les deux autres. Herda pensa mourir de frayeur en l'apercevant. Mais l'image du prince était toujours présente à ses yeux et c'est ce qui la soutint à la vue du monstre. « Mon frère, » dit le vent d'ouest, avec volubilité et sans se donner seulement le temps de reprendre haleine, « voilà la jeune fille qui doit épouser le prince qui demeure dans le château situé à l'est du soleil et à l'ouest de la lune. Connais-tu le chemin qui mène à ce château ?» Le vent du sud poussa un rugissement tel qu'Éole, le maître des vents, ne dut en pousser certainement jamais de plus terrible. « Non, » dit le vent du sud, sur un ton tout sifflant dont la pauvre jeune fille demeura glacée. « Non, je ne connais pas ce chemin. Il m'est arrivé dans ma vie toute pleine d'orage, de pluie, de grêle et de tonnerre, de mugir dans bien des endroits, mais jamais mon souffle n'a porté aussi loin. Toutefois, si vous le désirez, je puis vous mener à mon frère le vent du nord. C'est l'aîné et le plus vigoureux de nous tous. Si celui-là ne connaît pas la route que vous cherchez, il ne sera au pouvoir de personne de vous l'indiquer jamais. Ainsi donc, calmez votre effroi, montez sur mon dos, et je vais vous conduire à la demeure de mon frère. » À peine Herda eut-elle dit oui d'un petit hochement de tête, car dans le saisissement où elle était, c'était le seul mot qu'elle put articuler, que le vent du sud, sans s'attarder un instant de plus, s'élança avec une rapidité incroyable. Et cette fois encore, la jeune fille, suspendue comme une étoile fragile entre les ailes du monstre, voyagea longtemps, longtemps jusqu'à ce qu'elle entendît un fracas épouvantable qui montait d'un antre encore plus sonore et plus vaste que ceux où habitaient les vents précédents. Cet antre, d'un aspect horrible tant il était caverneux, empli de plaintes et d'échos, retentissant de tempêtes et balayé de courants et de remous, ressemblait à un maelstrom. On ne savait trop, tant il était bruissant de tous les orages, s'il touchait le fond de la mer ou celui des enfers. Herda et son compagnon furent à peine montés entre les rochers qui fermaient le seuil, que Boré, le vent du nord ou du septentrion, parut enveloppé de brouillard et soulevant de si énormes bouffées d'air froid que son frère, le vent du sud, qui cependant le connaissait bien, en demeura immobile. « Le vent vous emporte tous les deux !» s'écria le furieux, d'une voix dont l'accent eût pétrifié de moins brave Gerda. Mais il n'y avait rien que celle-ci ne fût décidée à entreprendre pour retrouver le prince qu'elle aimait. C'est ce que le vent du sud s'efforça d'exposer à son frère le vent du nord. « D'abord, dit le vent du sud, en se rapprochant du terrible Boré, il est inutile de vous montrer aussi irascible. Je suis votre frère, le vent du sud, et cette jeune fille est celle qui doit épouser le prince qui habite dans le château situé à l'est du soleil et à l'ouest de la lune. Elle souhaite connaître de vous si vous êtes allé déjà jusque dans cette contrée, et s'il vous serait possible de lui en indiquer le chemin. « Certes, dit le vent du nord qui, devant l'autorité de son frère, apporta quelque apaisement à sa fureur. « Certes, je sais assez bien où est situé ce pays. Il m'est arrivé une fois dans ma vie de souffler une feuille de tremble dans cette direction, mais cela est si loin, et j'en éprouvais une telle fatigue que je restais complètement à bout de souffle pendant plusieurs jours. « Toutefois, dit-il en abaissant vers Gerda son visage courroucé, si vous souhaitez réellement aller là-bas, et si vous n'êtes pas trop effrayé à l'idée de voyager avec moi, je verrai si je puis pousser jusqu'à ces rivages. » Gerda, en entendant ces paroles, fit un effort surhumain. « Oui, dit-elle, j'accepte de tout mon cœur. Il me faut absolument parvenir à trouver le château. Et quelque épouvante que vous m'ayez fait éprouver d'abord, je m'en remets à votre parole et vous demande d'être conduite au château situé à l'est du soleil et à l'ouest de la lune. » Il faut croire que le vent du nord, encore qu'il fût bien sourcilleux et bien fâché, se montra touché de cette bravoure chez un être si frêle. Il répondit en effet en riant et en adoucissant la voix, c'est-à-dire qu'il se permit seulement quelques petits grondements d'orage. Ce fut pour expliquer à Gerda que le voyage étant très long, et comme il convenait de l'accomplir tout d'une traite, il était nécessaire de passer la nuit dans la caverne, et de ne partir que le lendemain matin au petit jour. La pauvre Gerda était bien fatiguée. Cependant, elle avait la pensée du prince toujours présente à l'esprit, et c'est dans cette pensée qu'elle puisa encore la force de supporter cette épreuve. À peine se fut-elle blottie en un coin, un peu moins exposée que les autres, qu'elle posa sa tête là sur son maigre paquet de hardes, et la pomme, le peigne, le rouet d'or, serrés contre sa poitrine, elle s'endormit d'un sommeil profond.